Chapitre 11. En cet endroit de son récit, Armand s'arrêta. « Voulez-vous fermer la fenêtre ?» me dit-il. « Je commence à avoir froid. Pendant ce temps, je vais me coucher. » Je fermai la fenêtre. Armand, qui était très faible encore, ôta sa robe de chambre et se mit au lit, laissant pendant quelques instants reposer sa tête sur l'oreiller, comme un homme fatigué d'une longue course ou agité de pénibles souvenirs. « Vous avez peut-être trop parlé, lui dis-je. Voulez-vous que je m'en aille et que je vous laisse dormir? Vous me raconterez un autre jour la fin de cette histoire. Est-ce qu'elle vous ennuie? Au contraire. Je vais continuer alors. Si vous me laissiez seule, je ne dormirais pas. » Quand je rentrai chez moi, reprit-il sans avoir besoin de se recueillir, tant tous ces détails étaient encore présents à sa pensée. Je ne me couchais pas. Je me mis à réfléchir sur l'aventure de la journée. La rencontre, la présentation, l'engagement de Marguerite vis-à-vis de moi. Tout avait été si rapide, si inespéré, qu'il y avait des moments où je croyais avoir rêvé. Cependant, ce n'était pas la première fois qu'une fille comme Marguerite se promettait à un homme pour le lendemain du jour où il le lui demandait. J'avais beau me faire cette réflexion, la première impression produite par ma future maîtresse sur moi avait été si forte qu'elle subsistait toujours. Je m'entêtais encore à ne pas voir en elle une fille semblable aux autres, et avec la vanité si commune à tous les hommes, j'étais prêt à croire qu'elle partageait invinciblement pour moi l'attraction que j'avais pour elle. Cependant, j'avais sous les yeux des exemples bien contradictoires, et j'avais entendu dire souvent que l'amour de Marguerite était passé à l'état de denrée, plus ou moins chère, selon la saison. Mais comment aussi, d'un autre côté, concilier cette réputation avec les refus continuels faits au jeune comte que nous avions trouvé chez elle? Vous me direz qu'il lui déplaisait, et que elle était splendidement entretenue par le duc. Pour faire autant que de prendre un autre amant, elle aimait mieux un homme qui lui plût. Alors, pourquoi ne voulait-elle pas de Gaston? Charmant, spirituel, riche. Et paraissait-elle vouloir de moi, qu'elle avait trouvé si ridicule la première fois qu'elle m'avait vue? Il est vrai qu'il y a des incidents d'une minute qui font plus qu'une cour d'une année. De ceux qui se trouvaient au souper, j'étais le seul qui se fût inquiété en la voyant quitter la table. Je l'avais suivie, j'avais été ému à ne pouvoir le cacher, j'avais pleuré en lui baisant la main. Cette circonstance, réunie à mes visites quotidiennes pendant les 2 mois de sa maladie, avait pu lui faire voir en moi un autre homme que ceux connus jusqu'alors. Et peut-être s'était-elle dit qu'elle pouvait bien faire pour un amour exprimé de cette façon ce qu'elle avait fait tant de fois que cela n'avait déjà plus de conséquences pour elle. Toutes ces suppositions, comme vous le voyez, étaient assez vraisemblables. Mais, quelle que fût la raison à son consentement, il y avait une chose certaine, c'est qu'elle avait consenti. Or, j'étais amoureux de Marguerite, j'allais la voir. Je ne pouvais rien lui demander de plus. Cependant, je vous le répète, quoique ce fût une fille entretenue, je m'étais tellement, peut-être pour la poétiser, fait de cet amour un amour sans espoir, que plus le moment approchait, où je n'aurais même plus besoin d'espérer, plus je doutais. Je ne fermais pas les yeux de la nuit. Je ne me reconnaissais pas. J'étais à moitié fou. Tantôt, je ne me trouvais ni assez beau, ni assez riche, ni assez élégant pour posséder une pareille femme. Tantôt, je me sentais plein de vanité à l'idée de cette possession. Puis, Je me mettais à craindre que Marguerite n'eût pour moi qu'un caprice de quelques jours, et pressentant un malheur dans une rupture prompte, je ferais peut-être mieux, me disais-je, de ne pas aller le soir chez elle et de partir en lui écrivant mes craintes. De là, je passais à des espérances sans limite, à une confiance sans bornes, je faisais des rêves d'avenir incroyables. Je me disais que cette fille me devrait sa guérison physique et morale, que je passerais toute ma vie avec elle, et que son amour me rendrait plus heureux que les plus virginales amours. Enfin, je ne pourrais vous répéter les mille pensées qui montaient de mon cœur à ma tête et qui s'éteignirent peu à peu dans le sommeil qui me gagna au jour. Quand je me réveillai, il était 2 heures. Le temps était magnifique. Je ne me rappelle pas que la vie m'ait paru aussi belle et aussi pleine. Les souvenirs de la veille se représentaient à mon esprit sans ombre, sans obstacle, et gaiement escortaient des espérances du soir. Je m'habillai à la hâte. J'étais content et capable des meilleures actions. De temps en temps, mon cœur bondissait de joie et d'amour dans ma poitrine. Une douce fièvre m'agitait. Je ne m'inquiétais plus des raisons qui m'avaient préoccupé avant que je m'endormisse. Je ne voyais que le résultat. Je ne songeais qu'à l'heure où je devais revoir Marguerite. Il me fut impossible de rester chez moi. Ma chambre me semblait trop petite pour contenir mon bonheur. J'avais besoin de la nature entière pour m'épancher. Je sortis. Je passai par la rue d'Antin. Le coupé de Marguerite l'attendait à sa porte. Je me dirigeai du côté des Champs-Élysées. J'aimais, sans même les connaître, tous les gens que je rencontrais. Comme l'amour rend bon! Au bout d'une heure que je me promenais des chevaux de Marly au rond-point et du rond-point aux chevaux de Marly, je vis de loin la voiture de Marguerite. Je ne la reconnus pas, je la devinai. Au moment de tourner l'angle des Champs-Élysées, elle se fit arrêter, et un grand jeune homme se détacha d'un groupe où ils causaient pour venir causer avec elle. Ils causèrent quelques instants. Le jeune homme rejoignit ses amis, les chevaux repartirent, et moi qui m'étais approché du groupe, je reconnus dans celui qui avait parlé à Marguerite ce comte de G dont j'avais vu le portrait et que Prudence m'avait signalé comme celui à qui Marguerite devait sa position. C'était à lui qu'elle avait fait défendre sa porte la veille. Je supposais qu'elle avait fait arrêter sa voiture pour lui donner la raison de cette défense. Et j'espérais qu'en même temps, elle avait trouvé quelque nouveau prétexte pour ne pas le recevoir la nuit suivante. Comment le reste de la journée se passa, je l'ignore. Je marchais, je fumais, je causais, mais de ce que je dis, de ce que je rencontrais, à 10 heures du soir, je n'avais aucun souvenir. Tout ce que je me rappelle, c'est que je rentrais chez moi, que je passais 3 heures à ma toilette, et que je regardais 100 fois ma pendule et ma montre, qui malheureusement allaient l'une comme l'autre. Quand 10h30 sonnèrent, je me dis qu'il était temps de partir. Je demeurai à cette époque rue de Provence. Je suivis la rue du Mont-Blanc, je traversai le boulevard, pris la rue Louis-le-Grand, la rue Port-Mahon et la rue d'Antin. Je regardai aux fenêtres de Marguerite. Il y avait de la lumière. Je sonnai. Je demandai au portier si Mademoiselle Gauthier était chez elle. Il me répondit qu'elle ne rentrait jamais avant 11h ou 11h15. Je regardai ma montre. J'avais cru venir tout doucement, et je n'avais mis que 5 minutes pour venir de la rue de Provence chez Marguerite. Alors, je me promenais dans cette rue sans boutique, et déserte à cette heure. Au bout d'une demi-heure, Marguerite arriva. Elle descendit de son coupé en regardant autour d'elle, comme si elle eût cherché quelqu'un. La voiture repartit au pas, les écuries et la remise n'étant pas dans la maison. Au moment où Marguerite allait sonner, je m'approchai et je lui dis « Bonsoir. »« Ah, c'est vous !» me dit-elle d'un ton peu rassurant sur le plaisir qu'elle avait à me trouver là. ne m'avez-vous pas permis de venir vous faire visite aujourd'hui ? C'est juste, j'avais oublié. Ce mot renversait toutes mes réflexions du matin, toutes mes espérances de la journée. Cependant, je commençais à m'habituer à ses façons, et je ne m'en allais pas, ce que j'eusse évidemment fait autrefois. Nous entrâmes. Nanine avait ouvert la porte d'avance. « Prudence est-elle rentrée ?» demanda Marguerite. « Non, madame. Va dire que dès qu'elle rentrera, elle vienne. Auparavant, éteins la lampe du salon, et s'il vient quelqu'un, réponds que je ne suis pas rentrée et que je ne rentrerai pas. » C'était bien là une femme préoccupée de quelque chose, et peut-être ennuyée d'un importun. Je ne savais quelle figure faire, ni que dire. Marguerite se dirigea du côté de sa chambre à coucher. Je restai où j'étais. « Venez !» me dit-elle. Elle ôta son chapeau, son manteau de velours, et les jeta sur son lit. Puis se laissa tomber dans un grand fauteuil, auprès du feu qu'elle faisait faire jusqu'au commencement de l'été, et me dit en jouant avec la chaîne de sa montre « Eh bien, que me conterez-vous de neuf ?»« Rien, sinon que j'ai eu tort de venir ce soir. »« Pourquoi ?»« Parce que vous me paraissez contrarié, et que sans doute je vous ennuie. » « Vous ne m'ennuyez pas, seulement je suis malade. J'ai souffert toute la journée, je n'ai pas dormi et j'ai une migraine affreuse. » « Voulez-vous que je me retire pour vous laisser mettre au lit ?»« Oh, vous pouvez rester. Si je veux me coucher, je me coucherai bien devant vous. » En ce moment, on sonna. « Qui vient encore ?» dit-elle avec un mouvement d'impatience. Quelques instants après, on sonna de nouveau. « Il n'y a donc personne pour ouvrir. Il va falloir que j'ouvre moi-même. » En effet, elle se leva en me disant « Attendez ici. » Elle traversa l'appartement et j'entendis ouvrir la porte d'entrée. J'écoutai. Celui à qui elle avait ouvert s'arrêta dans la salle à manger. Au premier mot, je reconnus la voix du jeune comte de N. « Comment vous portez-vous ce soir ? » disait-il. « Mal, » répondit sèchement Marguerite. « Est-ce que je vous dérange ? » « Peut-être. » « Comme vous me recevez, que vous ai-je fait, ma chère Marguerite ?»« Mon cher, vous ne m'avez rien fait. Je suis malade. Il faut que je me couche. Ainsi, vous allez me faire le plaisir de vous en aller. Cela m'assomme de ne pas pouvoir rentrer le soir sans vous voir apparaître 5 minutes après. Qu'est-ce que vous voulez ? Que je sois votre maîtresse ? Eh bien, je vous ai déjà dit 100 fois que non. » « Que vous m'agacez horriblement et que vous pouvez vous adresser autre part. Je vous le répète, aujourd'hui pour la dernière fois, je ne veux pas de vous. C'est bien convenu ? Adieu. Tenez, voici Nanine qui rentre. Elle va vous éclairer. Bonsoir. » Et sans ajouter un mot, sans écouter ce que balbutiait le jeune homme, Marguerite revint dans sa chambre et referma violemment la porte, par laquelle Nanine, à son tour, rentra presque immédiatement. « Tu m'entends ?» lui dit Marguerite. « Tu diras toujours à cet imbécile que je n'y suis pas ou que je ne veux pas le recevoir. Je suis lasse à la fin de voir sans cesse des gens qui viennent me demander la même chose, qui me paient et qui se croient quittes avec moi. Si celle qui commence notre honteux métier savait ce que c'est, elle se ferait plutôt femme de chambre. Mais non, la vanité d'avoir des robes, des voitures, des diamants nous entraîne. On croit à ce que l'on entend, car la prostitution a sa foi. Et l'on use peu à peu son cœur, son corps, sa beauté. On est redouté comme une bête fauve, méprisé comme un paria. On n'est entouré que de gens qui vous prennent toujours plus qu'ils ne vous donnent. Et on s'en va un beau jour, crevé comme un chien, après avoir perdu les autres, et s'être perdu soi-même. « Voyons, madame, calmez-vous, » dit Nanine. « Vous avez mal aux nerfs ce soir. Cette robe me gêne, reprit Marguerite en faisant sauter les agrafes de son corsage. Donne-moi un peignoir. Eh bien, et Prudence. Elle n'était pas rentrée, mais on l'enverra à madame dès qu'elle rentrera. En voilà encore une, continua Marguerite en ôtant sa robe et en passant un peignoir blanc. En voilà encore une qui sait bien me trouver quand elle a besoin de moi et qui ne peut pas me rendre un service de bonne grâce. Elle sait que j'attends cette réponse ce soir, qu'il me la faut, que je suis inquiète, et je suis sûre qu'elle est allée courir sans s'occuper de moi. Peut-être a-t-elle été retenue. Fais-nous donner du punch. Vous allez encore vous faire du mal, dit Nanine. Tant mieux. Apporte-moi aussi des fruits, du pâté ou une aile de poulet, quelque chose, tout de suite. J'ai faim. Vous dire l'impression que cette scène me causait, c'est inutile. Vous le devinez, n'est-ce pas? Vous allez souper avec moi, me dit-elle. En attendant, prenez un livre. Je vais passer un instant dans mon cabinet de toilette. Elle alluma les bougies d'un candélabre, ouvrit une porte au pied de son lit et disparut. Pour moi, je me mis à réfléchir sur la vie de cette fille et mon amour s'augmenta de pitié. Je me promenais à grands pas dans cette chambre tout en songeant quand Prudence entra. « Tiens, vous voilà ?» me dit-elle. « Où est Marguerite ?»« Dans son cabinet de toilette. » « Je vais l'attendre. » »« Dites donc, elle vous trouve charmant. Saviez-vous cela ?»« Non. » « Elle ne vous l'a pas dit un peu ?»« Pas du tout. » « Comment êtes-vous ici ?»« Je viens lui faire une visite. » »« À minuit ?»« Pourquoi pas ?»« Farceur !» !»« Elle m'a même très mal reçue. » »« Elle va mieux vous recevoir. » »« Vous croyez ?» Je lui apporte une bonne nouvelle. Il n'y a pas de mal. Ainsi, elle vous a parlé de moi? Hier au soir, ou plutôt cette nuit, quand vous avez été parti avec votre ami. À propos, comment va-t-il, votre ami? C'est Gaston R., je crois, qu'on l'appelle. Oui, dis-je sans pouvoir m'empêcher de sourire, en me rappelant la confidence que Gaston m'avait faite et en voyant que Prudence savait à peine son nom. Il est gentil, ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 25 000 francs de rente. Ah, vraiment? Eh bien, pour en revenir à vous, Marguerite m'a questionné sur votre compte. Elle m'a demandé qui vous étiez, ce que vous faisiez, quelles avaient été vos maîtresses, enfin, tout ce qu'on peut demander sur un homme de votre âge. Je lui ai dit tout ce que je sais, en ajoutant que vous êtes un charmant garçon. Et voilà. Je vous remercie. Maintenant, dites-moi donc de quelle commission elle vous avait chargé hier. D'aucune. C'était pour faire partir le compte, ce qu'elle disait. Mais elle m'en a chargé d'une pour aujourd'hui. Et c'est la réponse que je lui apporte ce soir. En ce moment, Marguerite sortit de son cabinet de toilette, coquettement coiffée de son bonnet de nuit, ornée de touffes de rubans jaunes, appelées techniquement des choux. Elle était ravissante ainsi. Elle avait ses pieds nus dans des pantoufles de satin et achevait la toilette de ses ongles. « Eh bien, dit-elle à Prudence, avez-vous vu le duc? Parbleu! Et que vous a-t-il dit? Il m'a donné. Combien? 6 000. Vous les avez? Oui. A-t-il eu l'air contrarié? Non. Pauvre homme. Ce pauvre homme fut dit d'un ton impossible à rendre. Marguerite prit les 6 billets de 1 000 francs. Il était temps, dit-elle. Ma chère Prudence, avez-vous besoin d'argent? Vous savez, mon enfant, que c'est dans 2 jours le 15. Si vous pouviez me prêter 300 ou 400 francs, vous me rendriez service. Envoyez demain matin. Il est trop tard pour faire changer. N'oubliez pas. Soyez tranquille. Soupez-vous avec nous? Non. Charles m'attend chez moi. Vous en êtes donc toujours folle? Toquez, ma chère. À demain. Adieu, Armand. Madame Duvernoy sortit. Marguerite ouvrit son étagère et jeta dedans les billets de banque. Vous permettez que je me couche? Dit-elle en souriant et en se dirigeant vers son lit. Non seulement je vous le permets, mais encore je vous en prie. Elle rejeta sur le pied de son lit la guipure qui le couvrait et se coucha. « Maintenant, dit-elle, venez vous asseoir près de moi et causons. » Prudence avait raison. La réponse qu'elle avait apportée à Marguerite l'égayait. « Vous me pardonnez ma mauvaise humeur de ce soir, me dit-elle en me prenant la main. « Je suis prêt à vous en pardonner bien d'autres. » « Et vous m'aimez ?»« À en devenir fou. » « Malgré mon mauvais caractère. » « Malgré tout. » « Vous me le jurez ?»« Oui, lui dis-je tout bas. » Nanine entra alors, portant des assiettes, un poulet froid, une bouteille de Bordeaux, des fraises et deux couverts. « Je ne vous ai pas fait faire du punch, dit Nanine. « Le Bordeaux est meilleur pour vous, n'est-ce pas, monsieur ?»« Certainement, répondis-je, tout ému encore des dernières paroles de Marguerite et les yeux ardemment fixés sur elle. « Bien, dit-elle, mets tout cela sur la petite table. Approche-la du lit, nous nous servirons nous-mêmes. Voilà trois nuits que tu passes, tu dois avoir envie de dormir. Va te coucher, je n'ai plus besoin de rien. » Faut-il fermer la porte à double tour? Je le crois bien. Et surtout, dis qu'on ne laisse entrer personne demain avant midi.